Je vous souhaite un très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Voici tout de suite Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Sur lesjours.fr, nous lançons une nouvelle obsession. J'ai quasiment toujours voulu être journaliste, mais c'était à cause de Tintin. On n'est pas un média slow. On est deep. On a beaucoup de lecteurs qui nous lisent en binge reading. C'est cette envie de plus être dans le saupoudrage d'informations, dans l'écume. Ça m'a toujours agacé quand je recevais des commandes et qu'on me décrivait la photo que je devais faire. Cette semaine, bienvenue dans ce nouveau live des jours.fr. On est une fabrique à histoire vraie, en fait. Les jours. Nos séries, on les appelle aussi des obsessions. Invention et naissance d'un média. J'ai toujours pensé qu'un bon papier pouvait presque se chanter. On va pas faire toute l'actualité, mais ce qu'on va faire, on va le faire bien. Pour pouvoir faire de l'enquête journalistique, l'un des moyens d'y arriver, c'était plutôt de travailler sur des problématiques qui étaient liées à la justice. C'est choisir le bon mot. Je crois pouvoir dire qu'on peut passer une heure ou deux sur un titre, c'est arrivé. Le bon verbe, c'est très important, le bon verbe. Un sujet, quand on arrive en amont, vous arrivez quelque part avec des idées préconçues. Mais ce sujet, au fur et à mesure qu'on le travaille, eh ben, y a des choses qui se confirment et d'autres pas. Un objet passionnant par sa dimension innovante qui suppose un grand esprit de construction et d'organisation. Prenez un sujet et épluchez-le, allez voir les couches, les sous-couches, les conditions de son existence, l'écho qu'il projette dans son propre milieu. Si tout cela vous paraît un peu abscon, écoutez donc un cas pratique. On a une manière transversale d'aborder les sujets. Raphaël Garrigos, co-directeur de la rédaction et co-fondateur de lesjours.fr. Par exemple, on est très attaché à avoir chaque année une série sur l'éducation. La première s'appelait Les années collèges, a été écrite par Alice Giraud. Pendant un an, Alice s'immerge totalement dans un collège, c'est-à-dire elle est dans une classe, une seule classe. Mais quand Alice passe comme ça une saison dans un collège, on ne parle pas que d'éducation. On parle de pauvreté, on parle de sexualité, on parle d'adolescents, on parle d'antisémitisme, on parle de Charlie Hebdo, de racisme. C'est cette transversalité-là à laquelle je tiens beaucoup pour les jours. Alors, bonjour, je m'appelle Alice Giraud. Je suis l'une des cofondatrices des jours. Je suis journaliste et j'occupe les fonctions de co-directrice de la rédaction des jours. Moi, j'ai travaillé très longtemps pour tout un tas de journaux. En fait, j'étais basée à Lyon et j'ai été correspondante de Libération, mais pas seulement. J'ai travaillé en agence pour Associated Press, j'ai travaillé même pour la Tribune de Genève quelques années, la rubrique France voisine. J'ai travaillé pour des news français, l'Express, Le Point, l'Obs, je crois que je les ai à peu près tous faits. Et voilà, j'étais ces journalistes multicasquettes, très reporters, qu'on trouve, c'est un peu spécifiquement français, en province, puisqu'il n'y a pas de journaux nationaux basés en province. Mais avant, ça vient d'où cette idée-là, cette idée fixe ? L'idée fixe du journalisme, j'en ai aucune idée. La plupart du temps, les journalistes disent qu'ils voulaient faire ça depuis qu'ils étaient tout petits, etc. Moi, pas du tout. Mais on vous a forcé ? Absolument pas, mais les souvenirs que j'ai d'avant d'avoir un métier, c'était que je ne savais pas ce que je voulais faire, que ça ne me traumatisait pas plus que ça. En revanche, ce qui m'a intéressée dans le journalisme, je crois que c'était d'aller voir des endroits où la vie ne m'aurait pas conduit naturellement. Je pense que ce qui m'a donné envie de faire du journalisme, c'est de faire des jobs d'étudiant. Travailler au McDo, travailler dans une usine à la chaîne, de travailler, qu'est-ce que j'ai pu faire, dans des champs agricoles, étrangement. Moi, j'ai une vie assez simple, qui était dans des rails, d'un milieu relativement aisé. J'ai fait des études d'histoire et de sciences politiques. Enfin, tout ça menait un peu naturellement au journalisme, sans se poser de questions en termes de cursus, en fait. Mais en réalité, ce qui m'a intéressé dans le journalisme, c'est ce qui m'avait intéressé quand j'ai fait... Je pense vraiment que c'est d'être allé soit par des jobs étudiants, soit par des histoires de vie dans d'autres milieux que le mien, moins sécures, certainement, qui m'a intéressée, et le journalisme était un moyen intéressant de révélation, alors pas forcément au sens scandale politico-financier, mais de révélation de choses qui n'étaient pas forcément visibles. Voilà, alors c'est ce qu'on appelle souvent les invisibles dans notre métier, mais c'est en tout cas ce qui m'a le plus intéressée, et de confronter des certitudes et un certain confort intellectuel à l'intranquillité, à l'inconfort de tas de gens. Voilà. Alors, Andy Giraud, nous sommes en face d'une personne qui se présente sur sa page, dans les innombrables pages que je vous recommande d'aller voir pour vous donner le goût. C'est très facile, lesjours.fr, c'est pas sorcier. Dans votre présentation personnelle, vous indiquez « Je suis celle qui, dans la conférence de rédaction, parle plus fort que les autres. » Alors, si on a envie d'entrer justement dans une de ces conférences de rédaction, comment ça se passe ? On a deux sortes de conférences de rédaction au jour. On en a une le lundi matin, qui est une conférence de rédaction de planning, plutôt, où chacun va dire où il en est de ses sujets. Je dis de planning parce que ça va nous permettre, en gros, les jours, c'est un ou deux épisodes de série publiés chaque jour. Et donc, avec un temps d'édition très long, parce que on le voit sur les jours, il y a un soin donné à l'édition très important pour nous, primordial. Et donc, on va devoir planifier l'organisation du travail. Donc la réunion de conférence de rédaction, elle va permettre à chacun de faire un point sur ses sujets, ce qui est important. Et pour Raphaël et moi... Raphaël Garrigos, voilà, l'autre co-directeur de la rédaction, de planifier ce qu'on va mettre tel jour ou tel jour en fonction d'où en sont les gens dans leur avancée de papier, de l'actualité, puisque l'idée c'est quand même que nos séries résonnent avec une actualité, donc dans tel épisode, telle série, si on sait qu'il y a une actualité dans cette série ou sur ce sujet dans la semaine, on va essayer de se caler, soit de l'anticiper, soit d'être le jour même, soit de pouvoir faire un retour sur. Donc on va avoir cette première réunion qui est celle-ci, qui n'est pas une réunion forcément de débat, puisque c'est presque une réunion de calage en réalité. Puis on a une réunion qui a lieu soit tous les jeudis, soit un jeudi sur deux, ça dépend des périodes, qui va être ce qu'on appelle la réunion obsession, qui est nos séries, on les appelle aussi des obsessions. Obsession, c'est sur le fond, en fait, c'est de faire du journalisme obsessionnel, et séries, c'est sur la forme, c'est la mise en scène de ces obsessions. Et le jeudi, on va parler de l'avenir des séries en cours et des projets de séries à venir. Projets qui sont parfois des projets défendus par les journalistes de la rédaction sur ce qu'ils aimeraient faire eux, mais on va parler aussi de... Alors, Raphaël et moi, en tant que co-directeur de la rédaction, on va faire part des propositions externes qui nous ont été faites de séries, les présenter à la rédaction, ce qu'ils en pensent, nous dire celles qui nous ont intéressées, celles qui nous... Et puis après, il va y avoir de tout ça aussi un débat collectif autour de ça. Qu'est-ce que nous, la rédaction, on a envie d'avoir sur les jours, à quelle période ce serait bien, fait par qui. On est quand même sur un journalisme d'auteur, très subjectif. Et donc, qui fait quoi, c'est très important. C'est rarement interchangeable et c'est très bien comme ça. Et donc, on va parler de ça. Et puis, parce qu'on est aussi un petit média avec des moyens limités, on va aussi dire, non, cette série-là, là, on ne peut pas la produire tout de suite parce que là, sur tel mois, on n'a plus assez de budget. Voilà, moi, c'est un des domaines qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que je sais que certaines séries, on va pouvoir ensuite, elles vont pouvoir devenir des livres, elles vont pouvoir avoir une autre vie. Et ça permet de l'anticiper aussi. Et c'est intéressant. Voilà. À l'intérieur du média, dès lors que la conférence du lundi s'est tenue, qu'est-ce qui se met en route ? Qu'est-ce qui se déclenche derrière ? Je veux dire par là, est-ce que vous arriveriez à nous décrire ce que c'est que la chaîne de travail ? Alors la chaîne de travail, après ce moment collectif, elle va être relativement individuelle, mais semi-individuelle, parce qu'un article, à partir du moment où il était décidé collectivement et que validé par la direction de la rédaction et planifié sur telle date... le journaliste va se mettre à travailler, mais pas tout seul. Alors d'abord, il aura très souvent déjà commencé à travailler sur son épisode, mais il va falloir qu'il se cale avec Sébastien Calvé, qui est le responsable photo et image, sur qu'est-ce qu'on va faire sur cet épisode. C'est-à-dire, il va aller expliquer, il va y avoir une discussion. Si c'est un reportage, est-ce qu'il envoie un photographe avec ? Si c'est une écono, combien de temps il va falloir entre la commande du dessin et sa livraison ? Ça dépend beaucoup des dessinateurs, ça. Il y en a qui travaillent très vite, d'autres pas du tout, on le sait. Tout ça, c'est à caler avec l'édition, qui n'édite pas un papier en une heure. Donc, ils sont se dire, tiens, toi, tu vas me le rendre quand précisément ? Quel sera le temps d'échange, etc. Donc, ça va être un deuxième calage qui va être à une échelle moins collective. Et après, le journaliste avance, va faire son reportage, s'il a du reportage à faire, va écrire en fonction de tout ce qu'on aura calé. Et puis, il peut y avoir des échanges. Après, les gens travaillent pas tous de la même façon. On a des journalistes qui vont avoir besoin d'énormément discuter avec nous du sujet en fonction après son reportage, généralement, ou après l'enquête. Normal, voilà, j'ai eu cette info en plus. Par contre, ça, je l'ai pas eu. Qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que ça tient toujours ? Voilà, jusqu'à la phase d'écriture, le sujet n'est pas terminé. Et puis après, on va aussi travailler sur l'écriture. Nous, il va y avoir des allers-retours, plus ou moins, selon les journalistes, avec la direction de la rédaction. Et puis après, il y aura la phase d'édition, où là, soit moi, soit Raphaël, quand on a validé un texte, Nos deux éditeurs, François Meurice et Lucille Sourdès, vont reprendre le texte et l'éditer. Et là, ça va leur prendre un certain temps. Ils vérifient les infos, les orthographes, ils voient si la hiérarchie est bonne, si la lecture est fluide, si... Après, il y a tout un tas de choses typographiques à mettre en œuvre. Tout ça, c'est un travail très artisanal, très minutieux, qu'ils vont faire eux-mêmes. Alors parfois, ils vont avoir eux aussi besoin de rappeler les journalistes pour dire « Là, tu es sûr de cette info, moi, en recroisant, j'ai autre chose, est-ce que tu penses que... » Voilà. Et puis, après, il y a à nouveau un travail généralement collectif qui est sur le titrage de l'article. 5000. 5000, c'est le nombre d'emplois supprimés par le groupe de Patrick Drahi l'an dernier. Le plus gros plan social de France, et pourtant, il n'a fait aucun bruit. SFR, labo des nouveaux plans sociaux, lesjours.fr mène l'enquête. Alors Alice, on va d'abord essayer de comprendre d'où tout ça est parti, cette grande histoire d'SFR qu'on va vous raconter à présent. Pourquoi avoir choisi ce plan social? Il y a énormément de plans sociaux en France. Pourquoi SFR particulièrement? Alors d'abord parce que c'était le plus gros plan de suppression d'emplois aujourd'hui en France. Et la deuxième raison, c'est que personne n'en parlait. Ce qui constituait pour nous une excellente raison justement d'en parler, d'aller enquêter dessus. Ce qui nous intéressait, nous, ça faisait un moment qu'on avait envie de traiter les plans sociaux, parce que les plans sociaux, dans la presse, souvent on en parle au moment de l'annonce, on donne des chiffres, et puis derrière, plus rien. Et ce qui nous intéressait, nous, c'était de voir ce qui se passait après, et ce qu'il y avait derrière ces mots très abstraits, très glissants, que sont restructuration, reclassement. Très concrètement, qu'est-ce que ça fait, de rendre son badge et de quitter sa boîte après 15 ans de travail? C'est ce qui nous intéressait. Et puis, il y avait autre chose, on a commencé à en parler, c'est que aujourd'hui, le départ volontaire est en train de devenir la norme pour supprimer des emplois. Et il nous semblait que le cas SFR, au-delà de son propriétaire Patrick Drahi, était assez intéressant sur ce qu'il révélait du monde du travail aujourd'hui. Alice, l'obsession SFR se poursuit ou c'est déjà la fin? Non, elle va continuer un peu, on va s'intéresser, voilà, il nous reste énormément de témoignages. On voulait, dès le début, l'intention c'était de regarder les effets d'un plan social à long terme, donc moi je me fais un devoir de suivre ce que deviennent les gens. Donc il y aura un épisode 19, un épisode 20. Vous pouvez revoir cette émission sur Facebook, YouTube, lesjours.fr pour le replay, et bien sûr, continuer à déguster les feuilletons des jours. Ça se passe sur lesjours.fr. Ciao, ciao. Alors, vos obsessions à vous, puisque c'est le terme retenu. Alors, que sont-ce? Alors, j'en ai pas énormément, puisque je passe mon temps à faire toute autre chose la plupart du temps. Mais j'essaie de me dégager des espaces. J'en ai fait deux, moi, principalement. La première année des jours, j'ai passé une année dans une classe de troisième. C'est une série qui s'appelait Les années collège, qu'on a ensuite décliné sur les années lycée, puis les années fac. Pourquoi je me suis... Alors, j'ai passé un an dans une classe de troisième, littéralement dans une classe, hein, c'est-à-dire assise dans la classe, à côté du radiateur, au fond, voilà. D'un collège populaire, comme on dit, c'est-à-dire pauvre, en fait, en bon français, enfin, en langage... Direct. Oui, clair. C'est situé au nord de Paris. La question qui m'intéressait, c'était pas spécialement de faire un sujet sur l'éducation, c'était de faire un... Je m'intéressais à la question de l'égalité des chances, qui est une vieille obsession, je peux vous dire ça. Et donc, plus précisément, de l'inégalité des chances. En fait, davantage sont négatifs. Et donc, je me suis demandé où ça se jouait, à quel moment dans la vie et dans quel lieu ça se jouait. C'est vraiment comme ça que j'ai raisonné pour faire cette série. Et donc, je me suis dit, il y a deux terrains, il me semble, sur l'inégalité en France, très importants, très fondateurs, qui sont l'endroit où on vit, le lieu où on habite, le logement et l'école. Puisque liberté, égalité, fraternité, écrit sur le fronton, l'école de la République est en tout cas c'est la promesse de l'école de la République en France. Le logement, ça m'aurait intéressé, mais c'est des problématiques qui sont extrêmement longues. Et donc sur le temps du journalisme, même si nous on a du temps long, un an c'est très long, à l'échelle du temps journalistique, ça suffit pas sur le logement, ça serait des séries à faire sur 15 ans. Donc là, on n'avait même pas démarré les jours, je me suis dit, bon, bah, peut-être un peu plus raisonnable. Et donc, je me suis dit, l'école c'est bien. Comment on parle de l'école habituellement? On en parle en donnant la parole, en relayant la parole des ministres successifs de l'éducation nationale et les réactions de l'opposition ou des représentants syndicaux. Pour qui qui, me semble-t-il, a déjà été à l'école, on est assez nombreux, ou qui est, sommes parents d'élèves, c'est, on est aussi nombreux, ça correspond absolument pas à l'école, donc c'est pas une bonne façon de le raconter, donc on va faire autre chose. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les élèves et les enseignants, et les gens qui travaillent dans l'école, très concrètement. Donc, je dis, il faut être dans l'école, en fait, c'est ça, le principe des jours, c'est d'être là où, justement, le lecteur n'est pas, il n'a pas accès à ça. Et donc, je me suis dit, où est-ce que ça se joue à l'école, cette histoire d'inégalité? Par exemple, ça se joue beaucoup en France sur le passage du CM2 à la 6e, où il y a beaucoup d'évitement de certains collèges. Pour les âges, c'est-à-dire? Ça, c'est 10-11 ans. Mais je me suis dit, 10-11 ans, c'est pas terrible, parce que c'est des enfants encore, et les personnages, ça va être les parents. 10-11 ans, on peut avoir des paroles d'enfants très rigolotes et tout ça, des choses très fraîches, mais le sujet, ça va être les parents. Et après, il y a un autre endroit où ça se joue, c'est la sortie du collège en France. Donc, c'est 4 ans plus tard, 14-15 ans. La fin du collège, c'est la fin de l'école unique. Et donc, à l'issue de la classe de 3e, les élèves sont séparés entre ceux qui vont en filière générale. Les filières générales, c'est les plus prestigieuses, c'est-à-dire c'est celles qui poussent vers des études supérieures. Et puis, les filières professionnelles, qui sont des études courtes ou pas d'études après. En fait, c'est une formation pratique. On y apprend un métier, même si on peut éventuellement faire des études après. Et c'est une énorme gare de triage social. Sur un collège comme celui que j'ai suivi à La Chapelle, c'est même une gare de triage ethnique, très clairement. La séparation ethnique étant très sociale, quand même. Et donc, je me suis dit, c'est là que je veux aller. Et parce qu'à 14-15 ans, là, je vais avoir des personnages voilà, qui ont une réflexion sur eux-mêmes, qui sont beaucoup plus que sur des enfants de 10-11 ans. Et donc, j'ai cherché un collège qui accepte de m'accueillir. Ça n'a pas été simple. Au début, je voulais aller en banlieue, parce que je ne voulais pas aller à Paris. Et puis, ça ne s'est pas fait au dernier moment. Et j'ai trouvé celui-ci qui était à deux pas des jours, ce qui me permettait. C'était intéressant quand même journalistiquement, parce que je pouvais y aller. J'étais à 5 minutes, donc quand je voulais. Donc, c'était très bien, en fait. Et donc, je me suis installée dans la classe. Et on a ces personnages qu'on suit. Alors, évidemment, je parlais un peu dans un jargon de scénariste de série, mais on avait des arcs longs, des questions... qui était sur l'année, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont devenir l'année prochaine, quoi. Est-ce qu'ils vont avoir ce qu'ils veulent faire, la filière qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils vont décrocher pour certains ou pas décrocher, parce qu'il y en a qui étaient quand même très borderline. Et puis des questions plus courtes qui pouvaient faire l'objet de petits épisodes, qui étaient aussi la vie de la classe de 3e ou la vie des enseignants. Cette année-là, c'était la réforme du collège en France, donc ça me permettait de voir aussi très concrètement comment les profs l'appréhendaient, le mettaient en place. On a beaucoup parlé de sujet filles-garçons, c'était avant MeToo, mais on a beaucoup parlé de ça. C'est un sujet que j'avais pas spécifiquement prévu d'aborder. Puis je me suis aperçue qu'il y avait un fossé incroyable, voilà, donc ça m'a intéressée. Fossé? En fait, plus fort que beaucoup de choses quand même, les filles réussissaient beaucoup mieux que les garçons, mais dans des proportions totalement incroyables. Et c'était assez intéressant parce que c'était lié à des questions d'éducation, c'était lié à une question aussi de rapport à ce qu'on projette dans les filles et ce qu'on projette dans les garçons, c'était lié à des choses aussi bêtes qu'à 15 ans, en fait, ils n'ont pas du tout le même niveau de maturité. Et donc ce qui fait que à l'année où on leur demande de choisir leur vie, ben, les filles, elles avaient un ou deux ans d'avance, quoi, là-dessus. Et les garçons, c'était plus compliqué. Voilà, ils voulaient faire foot et ils se posaient pas beaucoup de questions. C'est des questions de maturité intellectuelle qui sont, en fait, toutes bêtes, je veux pas mesurer. Et tout ça, ça racontait plein de choses. Et voilà. Et donc, de ce sujet sur l'inégalité, j'ai l'impression qu'on a vraiment raconté des choses qu'on ne lisait pas ailleurs, hein, dans le journalisme. Ce collège-là, je le définirais comme moyen, ni bon, ni mauvais. Il a ses qualités, ses défauts. Et pour moi, les qualités dans ce collège, c'est qu'il y a une grande mixité sociale, et ça, c'est bien. D'ailleurs, c'est pour ça que mes parents ils m'ont mis ici et pas dans un autre collège. C'est pour apprendre à vivre avec des gens différents de soi et pas que des mêmes personnes. Je suis né en Sri Lanka. Je suis né au Sénégal, à Tombakunda. Je suis né dans le 93 à Aubervilliers. Moi, je suis né en Guinée et j'ai étudié là-bas jusqu'en CM1. Moi, je suis né à Bondy. Dans le 93. Je suis née en Roumanie et j'ai déménagé ici à 5 ans. La troisième en général, ouais, c'est plutôt dur. Enfin, tout ce qui se passe pendant la troisième. Là, on doit vraiment se focaliser sur l'avenir, trouver un lycée, trouver un stage, préparer son brevet. Les cours sont plus épais cette année aussi. Donc, ouais, c'est un peu un petit changement quand même qui peut être dur dans certains cas. C'est trop tôt pour choisir une filière, générale ou pro, quel métier. Peut-être je vais faire quelque chose que je vais pas trop aimer, après ce sera trop tard. Bah, depuis longtemps, les garçons, ils ne travaillent pas, ils n'ont pas envie de travailler. Enfin, ils travaillent quand ils ont envie. Si on les force, on les force, on les force. Sinon, moi, dans la classe, ceux qui sont au premier rang, c'est ceux qui veulent écouter. Ceux qui sont derrière, c'est ceux qui veulent s'amuser. Ceux qui sont au milieu, ils font entre les deux. C'est pas pour critiquer les filles, mais comparé à beaucoup de filles dans la classe, on a une vie sociale, quoi. On voit nos potes, on fait des sorties, on fait des trucs, alors qu'elles, on a l'impression qu'elles sont cloîtrées chez elles, tout le temps en train de réviser, quoi. Depuis tout petit, je pense à être footballeur. Et là, en troisième, j'arrive, ils me disent que footballeur, c'est pas 100%, que je dois choisir un métier. Donc, je prends un métier proche du foot, quoi. Ali Giraud, quand vous choisissez un sujet comme l'école et que vous y faites le travail que vous nous avez décrit de présence, de suivi, moi je me dis, sachant que là on s'adresse à un auditoire helvétique, entre autres, puisque avec le net évidemment tout le monde peut aller chercher, c'est typiquement un sujet qui peut être traité en Suisse, en Belgique, au Canada, parce que aussi... La comparaison avec ce qui se passe ailleurs est forcément riche et intéressant. Y avez-vous songé ? Est-ce que ça fait partie des possibles dans l'avenir ? Parce que, évidemment, rentrer à l'intérieur des pratiques d'un pays, de la scolarité, et pouvoir aller voir ailleurs, c'est peut-être aussi irriguer le premier foyer. Alors moi j'adorerais qu'on le fasse, après se pose la question qui est une problématique d'un journal qui manque encore de moyens, tous les sujets internationaux nous prennent un budget qui fait qu'on fait des choix drastiques et c'est souvent l'international qui paye dessus. C'est très compliqué budgétairement à monter. Ça, c'est une chose. L'autre chose, pour répondre au sujet, dans l'idéal, oui, j'adorerais faire ça. Et alors, j'ai d'ailleurs lu peu de temps après j'ai fait cette série, il y a eu un sujet très similaire fait à Chicago. Pareil, sur un quartier mixte et où on a mesuré dans l'école. Et notamment, c'était aussi une des questions que je me posais, moi, sur la question de l'inégalité. C'était comment les... Alors, en France, ça s'appelle l'éducation prioritaire, c'est-à-dire qu'on va donner des moyens supplémentaires à ceux qui ont le moins. Et c'est généralement très décrié, on leur donne plus et c'est encore pire, voilà. Quel gâchis. Voilà, quel gâchis, qui est une problématique qu'on entend aux États-Unis, on l'entend tout le temps, ça, enfin, c'est un truc qu'on entend beaucoup. C'est un mot fort répandu sur la planète aujourd'hui. Et moi, ça m'a intéressé, j'ai étudié ça en France et par ce cas concret, et la réponse, elle est clairement non. En fait, l'éducation prioritaire a un réel effet correctif. Ça ne changera pas tout parce que les inégalités sont plus fortes que la correction qu'on y apporte, mais il y a un effet correctif important. J'ai vu des élèves qui ont pu être aidés d'avoir des cours de soutien à côté, d'avoir de l'aide aux devoirs qu'ils n'auraient pas eu ailleurs, et qui, dans des familles non francophones, avoir de l'aide aux devoirs, c'est plus que précieux, en fait, parce que sinon, c'est rien, en fait, c'est zéro. Et donc, moi, ça m'intéresserait de le faire, notamment en termes de comparaison de politique publique, et puis de quelle est l'appétence d'une société à justement réduire ses inégalités, ou alors à les mettre sous le tapis en disant « Non, non, mais toi, tu vas aller faire cette filière, là, c'est bon, va donc faire service à la personne, là, voilà, toi qui es une fille noire, en fait, voilà, t'as qu'à faire ça. » Eh ben, ça m'intéresserait de voir comment c'est appréhendé dans d'autres pays européens, parce que je pense que c'est très intéressant en termes d'évolution des politiques publiques. Chaque enquête, une obsession, comme on dit au jour, une bande originale. Une playlist de 10 morceaux de musique postée sur Spotify et sur Deezer. Pour filer la métaphore de la série jusqu'au bout, les jours ont décidé d'imaginer une bande-son pour leurs enquêtes. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou Twitter, et puis écrivez-nous contact@lesjours.fr. Une des idées des jours, c'était de bousculer les formats classiques du journalisme. On respecte les règles de base, déontologie, enquête, reportage, hiérarchie de l'info, intérêt général. On ne fait pas des sujets pour faire des sujets. Il y a cette idée-là. Vous êtes au bord du service public, vous. Hein. Bah ouais, j'aime bien cette idée du journalisme. Mais d'en faire autre chose, et notamment de recréer du plaisir autour du journalisme. Ce qui est souvent un tabou. Hein. C'est plaisir, c'est pas sérieux, tout ça. Il manquerait plus que ça. Et si c'est plaisir, c'est entertainment, etc. Je pense qu'on ne s'est pas placé là-dedans, mais qu'on s'est dit qu'on pouvait... Il y avait tout un tas de règles qu'on apprend dans les écoles de journalisme, en fait, qui n'ont aucun intérêt, en tout cas dans notre cas, qui n'ont pas d'intérêt particulier. Qui ne sont pas applicables. Si, mais qui sont... Il y a des façons d'écrire, écrire le plus clairement possible, le plus objectivement possible. Ce n'était pas des buts poursuivis, en tout cas pour nous. Et puis, se dire qu'on pouvait aller piocher ailleurs que dans le journalisme, en l'occurrence, par exemple, dans la fiction, des choses qui n'altérait pas le cœur de la proposition, qui reste du journalisme, qui reste d'aller chercher des infos, de les vérifier, de les révéler, etc. Et donc, le format de la série répond à ça, en tout cas. Répond à cette, c'est une proposition parmi d'autres, mais qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait lire nos textes par des comédiens sur scène, par exemple. Les gens ont découvert ces histoires qu'ils ne connaissaient pas dans un théâtre. Et ça reste du journalisme. En fait, on prend le journalisme et on essaie de voir si on peut le modeler autrement, le mettre dans un autre moule. La série, c'est vraiment ça, de sortir des personnages comme ça, d'essayer de réfléchir à des... Et pourquoi on n'a pas le droit de réfléchir à une narration un peu... où on attend la suite, où on veut savoir ce que devient un personnage, qu'une info devient dans son évolution dans le temps, comment elle s'altère, comment elle se développe, etc. Et la playlist, ça fait partie de ça. C'est-à-dire que pourquoi on mettrait pas... On voit ça parfois en littérature américaine ou en jeunesse, des auteurs qui mettent à la fin une sorte de playlist, en fait, ce qu'ils ont écouté en faisant leur, en écrivant ou en faisant leur enquête ou ce à quoi leur fait penser ce qu'ils ont écrit. Comme on est quand même sur des séries très personnelles, je le dis, hein, c'est un peu pompeux, journalisme d'auteur, mais moi j'aime bien, en fait, j'aime bien cette idée. Eh bien, on s'est dit que voilà, on pouvait faire cette proposition-là. Ça n'altérait pas le journalisme, ça n'altérait pas l'histoire. Les stories, elles restent voilà. Et on a ça en plus. C'est une proposition. Ça fait partie des choses qu'on essaie. On est quand même très empirique, hein. Heureusement, d'ailleurs, c'est ce qui permet que ça reste excitant. Et donc, Sofian, qui adore faire des playlists, a fait des playlists sur les séries des autres. Alors, c'est et sur les siennes aussi, mais ça fait partie des choses inhabituelles, effectivement, sur le journalisme qu'on a testé, qu'on fait, voilà. Isabelle Roberts, alors, on peut dire que Les Jours, c'est un site extrêmement complet, puisqu'on trouve tout à la fois textes, photos, dessins, mais également du son. Alors, évidemment, nous, on est extrêmement... intéressé. C'est venu comment, ça, cette idée de mettre du petit reportage? Parce que ce que j'ai entendu, là, c'est du petit documentaire sonore pris sur le terrain. Hein. Oui, c'est voilà. Ça. C'est vrai qu'on s'est lancé dans les podcasts. Isabelle Roberts, présidente et cofondatrice de lesjours.fr. Mais c'est vrai que nous, de la même façon qu'on ne voulait pas reproduire un journal papier sur Internet, on se disait aussi au lancement des Jours qu'il n'y avait pas de raison pour qu'un média, en 2018, soit seulement de l'écrit, ou du son, ou de la vidéo, ou de la photo, qu'on pouvait être tout ça. Donc, on commence... Fromage et dessert. Tout. Voilà. Entrée, plat, enfin, tout bien. C'est vrai que le numérique, Internet, permet tout un tas de choses qui n'étaient pas possibles sur le papier, tout simplement. Donc, un média, aujourd'hui, c'est un média global. Donc, on avance tout doucement, peu à peu, on apporte du son, on apporte aussi de la vidéo, on expérimente, on avance. On s'est aperçu que Les Jours pouvaient se diversifier, en fait. Pas se disperser, mais se diversifier. C'est-à-dire que de la même façon que, à partir de nos séries journalistiques, on a fait des livres, ce qui paraissait une déclinaison tout à fait naturelle. C'est-à-dire que nos épisodes, en fait, c'est des chapitres, tout simplement. Donc, on les retrouve en livre, c'est une évidence. De cette même façon, on est approché de plus en plus par des producteurs pour faire du documentaire, pour faire aussi du documentaire sonore. Donc ça, c'est notre phase de développement pour 2019, c'est-à-dire devenir une fabrique à histoires vraies, en fait. Et ces histoires vraies, elles se déclinent sur tous les supports. Donc on veut devenir vraiment un studio des producteurs d'histoires vraies. On peut tout imaginer, hein, pourquoi pas du jeu vidéo, où tout est imaginable, en fait. Demain, vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. En Suisse, la Neue Zürcher Zeitung peut se targuer d'une réputation un peu semblable à celle du New York Times. Reportage à Zurich pour savoir comment se porte le quotidien créé en 1780 et s'il a conservé toute son influence politique. La vieille dame défend son héritage, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain d'autres développements du sujet. Avec aujourd'hui la participation de Jérôme Nussbaum, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Vous avez pu entendre Raphaël Garrigos, co-directeur de la rédaction et cofondateur, Isabelle Roberts, présidente et cofondatrice, et Sébastien Calvet, directeur photo de lesjours.fr. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.